J'ai les pattes, les pattes. On a laissé les pattes. On a oublié les pattes, malheureux. Oh putain. C'est mucho mucho chaud. Je vais crever de calor. C'est mezzo mezzo rigolo. J'ai bien fait de mettre un short. Oh là là, quel sol. Captu les coups des épaules. Oh là, oh là là, quel sol. J'ai la barre de pression qui monte. Le deux coups qui décolle. Bueno, bueno, j'ai besoin d'eau. J'ai la gorge tout essorée. Gracias, gracias, libero mio. J'y vois un jour à l'ébullition. Oh là là, quel sol. T'essaies de poser sa marmole. Oh là, oh là là, quel sol. Tes cuisses chaudes me survoltent. J'ai la barre de pression qui décolle. Thermomètre à 3000, tu me vois? Et si par hasard il y en a un qui vient me prendre l'attention là, et je fais exploser l'hôpital, ils ne savent pas les gens, je suis un explosif, eh ouais, c'est normal hein. Quand tu la vois tortillée à son cul à libre, qu'est-ce que tu veux voir? Je suis la peau sur le chevier, j'y peux rien, je suis pas rouge là, regarde. Mais oh, je te parle de la tête, qu'est-ce que tu veux me regarder? Oh, allez, allez, oh là là.